le commerce triangulaire. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés à leurs terres africaines. Enchaînés, entassés dans les cales de navires, ils traversent l'océan Atlantique dans des conditions inhumaines. Beaucoup ne survivront pas à ce voyage. Le Brésil devient alors la principale destination de cette déportation massive. Dans les plantations de sucre, puis de café, les corps sont exploités, les identités sont niées, mais l'esprit, lui, résiste. Car face à l'oppression, une autre histoire s'écrit, une histoire de résistance. Certains esclaves fuient et fondent des communautés libres, appelées Quilombos. Parmi eux, une figure reste emblématique. Zumbi dos Palmares, symbole de la lutte et de dignité. Mais la résistance ne passe pas seulement par la fuite, elle passe aussi par la culture, par le corps, par le rythme. C'est dans ce contexte qu'émerge une pratique unique, la capoeira. À première vue, cela ressemble à une danse. Des corps qui se balancent, qui esquivent, qui tournent au son d'un instrument singulier, le berimbau. Mais derrière cette apparence se cache en réalité un art du combat. La capoeira est une stratégie, une manière de s'entraîner à se défendre sans éveiller la méfiance des maîtres. Elle devient un langage, un dialogue entre deux joueurs, fait de ruse, d'équilibre et d'écoute. Avec le temps, cet art va évoluer et donner naissance à deux grandes formes de capoeira. E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, haha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixa a capoeira Bahia, quando eu morrer. A nossa Bahia, eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Não pode dar seu valor, capoeira veio da África, africano quem o trouxe, todos podem aprender, general também doutor. Desejar aprender, vem aqui em Salvador. Procure o mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre, camarada. E quem me ensinou, e quem me ensinou, camarada. E capoeira. Canarinho da Alemanha, que matou meu curió. canarinho da Alemanha e matou meu curió. O segredo da lua, quem sabe é o clarão do sol. Eu estou com 79. Olha, minha vida é uma vida muito atrapalhada, se eu contar. Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem, que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando, poderá dizer alguma coisa. Todos eles que quiser dizer alguma coisa sobre a minha biografia, pode dizer qualquer coisa. Eu aceito todo e qualquer. Agora, tem uma coisa, não fui bobo na roda da capoeira. Eu não fui bobo. Ei, esta é minha opinião. D'un côté, la capoeira Angola, profondément ancrée dans la tradition, un jeu lent, proche du sol, où chaque mouvement est chargé de sens. Elle est portée notamment par Maître Pachia, qui en préserve l'âme et la philosophie. Maître Pachia, c'est le gardien de l'héritage. De son vrai nom, Vicente Ferreira Pachia, il a sauvé l'âme originelle. Pour lui, la capoeira Angola n'était pas seulement un sport, mais une esthétique et une éthique. La capoeira est tout ce que la bouche mange. Pour lui, elle englobe la ruse, la danse, le combat, et la religion. Il a instauré les couleurs jaunes et noires, les couleurs de son club de football de cœur, Iparanga, qui sont devenues les couleurs traditionnelles des uniformes d'Angola. La capoeira Angola, le jeu de la ruse. Contrairement à la version régionale, la capoeira Angola est souvent plus lente et plus proche du sol. La malicia, c'est l'élément clé. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais le plus rusé. On sourit à son adversaire pour mieux le surprendre. C'est l'art de la tromperie, utilisé par les opprimés pour renverser le puissant. Le jogo, le jeu. On ne dit pas que l'on combat, mais que l'on joue. Le but est de maintenir un dialogue corporel fluide, sans jamais briser le rythme. La roda, c'est le cercle fermé. La roda est le théâtre de cette résistance. C'est un cercle formé par les capoeiristes où l'énergie ache circule. Le cercle protège les joueurs et délimite un espace sacré où les hiérarchies sociales du monde extérieur s'effacent. Tout commence et finit au pied du berimbau. Au pé do berimbau. certa vez, um negro sentado ao tronco, com seu pirimbau aos prantos, rezando uma oração. Vês que surge um menino de branco, vestido de capoeira, deu meia lua, um mortal e uma rasteira, e depois falou besteira. Negro, com berimbau na mão, diga lá com explosão, se ainda jogas capoeira. E o negro, com dor no coração, vou lhe responder, menino, em forma de oração. Se a cobra tivesse asas, meu irmão, não rastaria no chão. Sou negro velho e não tenho medo, não. Eu carrego a capoeira dentro do meu coração. Guarde esta, menino, esta minha oração, pra quando estiveres velhinho, com o berimbau na mão, olha, vai lá, me Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Oi! Tira a cobra do caminho, ô Senhor São Bento. Eu vim de São Paulo pra mostrar meu movimento. Tira a cobra do caminho, ô Senhor São Bento. A mulher e a cobra são dois bichos peçonhentos. Tira a cobra do caminho, ô Senhor São Bento. Eu deixei a minha noiva no dia do casamento. Tira a cobra do caminho, ô Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, ô Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Eu vim de São Paulo pra mostrar meus movimentos. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. A mulher e a cobra são dois bichos peçonhentos. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Eu deixei a minha noiva no dia do casamento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Ei, jarará, cadê um bote? Vem na pata do jumento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. A mulher e a cobra são dois bichos peçonhentos. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Tira a cobra, ô Senhor São Bento. Tira a cobra do caminho, meu Senhor São Bento. Les instruments et l'orchestre, bateria. Dans l'Angola, la musique commande le mouvement. L'orchestre est complet et codifié. Le berimbau, l'instrument roi, C'est un arc musical qui dicte la vitesse et le style de jeu. Il y a généralement trois types de berimba. Le conga, le medium, le viola. Pour créer des polyrythmies. Le pandero, c'est le tambourin qui apporte le brillant. L'atabaque, c'est un grand tambour qui bat le cœur de la roda. La gogo et le recoreco pour enrichir la texture sonore. Les chants et leur signification. Les chants ne sont pas de simples décorations. Ils sont la mémoire orale de l'esclavage. La dinas, des chants solos souvent mélancoliques, entonnés au début de la roda. Ils racontent des paraboles, des faits historiques ou des hommages aux maîtres disparus. Chulas et corridos, des chants en appel et réponse qui maintiennent l'énergie. Les paroles peuvent être des avertissements. Attention, le serpent va mordre. Peut signifier au joueur de faire attention aux pieds de son partenaire. La musique de la capoeira n'est pas qu'une bande son, c'est un système de communication codé qui permettait de survivre sous l'œil des oppresseurs. Ces rythmes, ces chants, servaient de signaux secrets dans la roda. L'un des morceaux les plus emblématiques est Cavalaria, l'alerte de la police. Aucun doute le code le plus célèbre de l'histoire de la capoeira. À l'époque où la pratique était interdite par le code pénal brésilien, jusqu'en 1937, les capoeiristes devaient s'entraîner en secret. Le rythme, le berimbau, imitait le galop des chevaux, cavalaria. L'usage, dès que les guetteurs apercevaient la police montée, qui arrivait, le joueur de berimbau changeait instantanément le rythme pour annoncer la cavalaria. En entendant ce galop sur les cordes, les joueurs arrêtaient immédiatement les coups de pied et transformaient le jeu en une danse innocente ou s'enfuyaient avant l'arrivée des autorités. Luna et Santa Maria. Il existait des rythmes spécifiques pour signaler que le jeu devenait dangereux ou que des regards hostiles étaient posés sur la roda. Le rythme Luna, traditionnellement, c'est un rythme solennel. Il est souvent utilisé pour un jeu entre maîtres, mais il impose une vigilance extrême. Il signifie que le jeu doit être hautement technique et respectueux, car l'œil du maître ou celui de l'espion observe la qualité de l'enseignement. Les avertissements dans les chants. Le soliste peut improviser des vers pour prévenir les joueurs sans que les spectateurs ne comprennent. Exemple, Vumiembora, je m'en vais. Peut-être un signal pour disperser la roda. Deuxième exemple, de référence au serpent ou à l'araignée, sont souvent des codes pour désigner une personne mal intentionnée qui rôde autour du cercle. Les différents toques, les rythmes, comme instruction. Le berimbau est le chef d'orchestre qui dicte la température de la rencontre. Angola, un rythme lent qui appelle à la ruse, à la stratégie et au jeu au sol. C'est ici que l'on observe le plus l'adversaire. Sao Bento Pequeno, un rythme modéré, souvent utilisé pour l'apprentissage, privilégiant la courtoisie. Sao Bento Grande, un rythme rapide et guerrier. Ici, le message est clair. Le jeu est ouvert, les coups peuvent être portés et la vigilance doit être maximale. La signification des madinga. La madinga dans les chants et le rythme fait référence à une protection spirituelle. Quand on chante la madinga, on prévient le joueur qu'il doit être fermé. Corpo fechado. C'est une codification de la défense. Ne pas se laisser distraire par les paroles. Rester concentré sur les pieds de l'autre tout en écoutant les messages cachés dans le refrain. Le berimbau est un télégraphe. Celui qui sait l'écouter sait si la voix est libre, si un ennemi approche ou si son partenaire de jeu prépare un coup fourré. C'est une dimension, c'est un langage crypté qui a permis à la capoeira de traverser les siècles de répression. L'histoire du fleuve Paraná, la métaphore du voyage. Le chant Paranáwe est l'un des plus célèbres. Si le fleuve Paraná sépare géographiquement le Brésil de ses voisins, dans la capoeira, il symbolise souvent le passage et l'éloignement. Il évoque la nostalgie du pays que l'on a dû quitter ou la distance entre la vie d'esclave et la liberté des quilombos. C'est un rythme à la traversée rappelant que même si l'eau coule et s'éloigne, la source, l'Afrique, reste la base de tout. Les volontaires de la patrie, une liberté au prix du sang. C'est un épisode fascinant et tragique de l'histoire du Brésil. La guerre de la Triple Alliance, ou la guerre du Paraguay, 1864-1870. C'est là que le destin de milliers d'esclaves a basculé. Voici comment cet événement a marqué la capoeira et pourquoi on le chante encore aujourd'hui. Pendant cette guerre, le Brésil manquait cruellement de soldats. Le gouvernement a alors instauré un système particulièrement cynique. Ceci vous rappelle peut-être quelque chose. Le marché de la liberté. On promettait aux esclaves leur affranchissement s'ils acceptaient de partir au front. Les volontaires forcés, en réalité, beaucoup de maîtres envoyaient leurs esclaves à leur place. Parmi eux, de nombreux capoeiristes emprisonnés. Il faut savoir que la capoeira était alors criminalisée. Ils ont été libérés des geôles. de Rio de Janeiro ou de Salvador de Bahia, à la seule condition de rejoindre les rangs des volontaires de la patrie. En première ligne, la capoeira comme arme de guerre. Ces hommes étaient souvent placés en première ligne dans les positions les plus exposées. Le corps à corps, à court de munitions ou lors d'embuscades dans les zones marécageuses du bassin de Paraná, les capoeiristes utilisaient leurs techniques de combat. L'arme blanche. Ils étaient redoutables dans le maniement du couteau et de la baïonnette. Utilisant les esquives et les mouvements bas de la capoeira pour surprendre l'ennemi, leur agilité et leur courage ont frappé les esprits, transformant l'image du vaurien, le malandro, en celle d'un héros de guerre. Le fleuve Paraná dans les champs, Paranaué, Paranaba. Lorsqu'un capoeiriste chante Paranaué, il ne rend pas seulement hommage à un fleuve. Il invoque une frontière entre la vie et la mort, entre la servitude et une liberté incertaine. Le départ sans retour. Le Paraná représentait la ligne de front. Pour beaucoup, franchir ce fleuve signifiait ne jamais revenir. Le symbole de la victoire amère. Si beaucoup sont morts, ceux qui ont survécu sont revenus avec un nouveau prestige. Ils avaient prouvé leur valeur au combat, ce qui a contribué des décennies plus tard à changer le regard de la société brésilienne sur la capoeira. La double signification du chant. Aujourd'hui, dans la roda, chanter le Paranaué. Deux niveaux de lecture. L'hommage historique. Ce souvenir des ancêtres capoeiristes envoyés mourir pour une patrie qui les enchaînait. L'invitation au voyage. C'est un chant de transition qui demande de l'énergie et de la fluidité, rappelant que, comme l'eau du fleuve, le capoeiriste doit toujours être en mouvement, s'adaptant aux obstacles. Certains historiens racontent que les officiers brésiliens étaient si impressionnés par l'efficacité des capoeiristes au front qu'ils ont commencé à tolérer la pratique dans les casernes, posant ainsi les premiers jalons, les premières pierres de la reconnaissance officielle de cet art. Ce titre a notamment illustré le film Only the Strong, sorti en 1993, intitulé en français La loi du plus fort, qui a été le grand catalyseur de la popularité de la capoeira en Occident. Le morceau Paranaué y est utilisé comme le thème central, devenant instantanément un hymne pour toute une génération qui découvre cet art martial. Bien que ce film soit une production hollywoodienne avec Mark Dacascos, il respecte certains codes essentiels que nous avons évoqués. Le personnage principal tente de sauver des jeunes en difficulté grâce à la discipline et à l'histoire de la capoeira, faisant l'écho à l'idée que cet art est un outil de transformation sociale. film a popularisé les chants comme Baranawe, mais également Zoom Zoom Zoom, montrant au public que, contrairement au karaté ou au judo, la capoeira ne se pratique pas en silence. Pour beaucoup de spectateurs, c'est la première fois qu'ils voyaient et entendaient ces instruments. Ces instruments à une corde, capables de diriger un combat. La capoeira ne sépare pas l'attaque de la défense. Chaque mouvement est une transition. La base, la jinga, ce n'est pas un pas de danse, c'est une garde en mouvement permanent. Le triangle, on dessine un triangle au sol avec les pieds. On jinga. La protection, un bras protège le visage, le menton, l'autre sert de balancier. L'intention, dans l'Angola, la jinga est plus basse, plus malicieuse, prête à s'écraser au sol. Dans la régionale, elle est plus cadencée et prête à l'explosion. Les esquives, esquivas, l'art de ne pas être là. En capoeira, on ne bloque pas un coup, on évite pour mieux contre-attaquer. Kukurin, on s'appuie complètement, les deux pieds à plat, une main au sol et l'autre protégeant le visage. C'est l'esquive de base contre les coups circulaires hauts. Esquiva latéral, c'est un décalage du buste sur le côté tout en restant en appui. Esquiva des becs, très utilisé en Angola, on descend très bas, presque en fente, pour laisser passer le pied de l'autre au-dessus de soi. Queda de cuatro. on descend en arrière sur quatre appuis, mains et pieds, pour fuir une attaque frontale. Les coups de pied, colpe. Ils sont divisés en deux grandes familles, circulaires et directes. Les circulaires, rodados. Mais au largo de frente. Un demi-cercle avec la jambe tendue de l'extérieur vers l'intérieur. Armada. Un coup emblématique. On pivote sur soi-même avant de lancer la jambe tendue en cercle. Mea lua de compasso. Le roi des coups. On pose une ou deux mains au sol. On regarde entre ses jambes et on lance le talon en cercle. C'est l'arme fatale du capoeiriste, car elle est puissante et difficile à contrer. Quechada, un mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur, avec le tranchant du pied. Les directs, trajetos, bensao, un coup de pied de face poussé avec le plat du pied. La bénédiction. Martel. Un coup de pied fouetté latéral, très présent dans la régionale. Chapa. Un coup de pied de côté, souvent utilisé pour repousser l'adversaire. Les mouvements au sol. Movintasao de Chao. Negativa. On s'assoit sur le talon. L'autre jambe est tendue devant pour crocheter ou esquiver. C'est le pivot de tout le jeu au sol. Relais. C'est une rotation au sol qui permet de se déplacer dans la roda tout en observant l'adversaire. Rabo de Arrera. Souvent confondu avec la Mela Uluana Compasso, mais dans l'esprit de l'Angola, c'est un coup plus bas, plus sournois. Aou. La roue. En capoeira, on ne quitte jamais l'adversaire des yeux, même la tête en bas. Les chamadas. Appel. Spécifique à l'Angola. C'est la partie la plus rituelle. Le joueur de tête lève les mains ou prend une pose spécifique pour appeler l'autre. C'est un moment de trêve apparente où les deux joueurs marchent ensemble dans la roda. Le danger, c'est un test de vigilance. À tout moment, celui qui a appelé peut tenter une vacherie, un balayage ou une tête. Si l'autre baisse sa garde, c'est mortel. Rastera. La rastera, c'est l'âme du capoeiriste. On ne peut pas parler de mouvement sans la rastera. Ce n'est pas un coup, c'est un déséquilibre. On utilise la force de l'autre pour le faire tomber au moment où il lance son attaque. C'est l'application parfaite de la malicia. Les esclaves observaient comment les animaux plus petits ou apparemment plus faibles arrivaient à vaincre des prédateurs par la ruse, la souplesse ou l'explosion soudaine. Voici les principaux animaux qui ont donné leur mouvement à la capoeira. Le zèbre au zébra, l'origine mythique. On parle souvent du N'Golo, la danse du zèbre, pratiquée par les peuples Mokupi en Angola. Le geste, les jeunes guerriers s'affrontaient en imitant les ruades du zèbre pour gagner le droit de choisir leur fiancée. Dans la capoeira, cela a donné les coups de pied arrière et la souplesse des membres inférieurs. L'arrêt, à arrera, le danger caché. L'un de ces animaux les plus respectés, surtout dans la capoeira Angola. Le geste. L'arrêt semble immobile et plate sur le sable, presque invisible, mais si on l'approche, sa queue, le dard, frappe avec une vitesse et une précision foudroyante. Dans la capoeira, le mouvement rabo de arrera, la queue de raie, le capoeiriste s'abaisse, se fait petit et lance son pied comme un fouet circulaire. C'est l'attaque qui vient d'en bas et que l'on n'attend pas. Le singe ou macaco, l'agilité et l'esquive. Le singe est le maître de la mobilité et de la dérision. Le geste, ses déplacements sont imprévisibles. Il utilise ses quatre membres et échange de direction en un instant. Dans la capoeira, le mouvement macaco, c'est un saut en arrière, partant d'une position accroupie, une main posée au sol. C'est une esquive acrobatique qui permet de transformer une position de faiblesse en une attaque aérienne. Le jaguar, onsa, la patience et le bon. Le jaguar ne court pas après sa proie sur des kilomètres. Il rampe, il observe, il bondit. Le geste, le regard fixe, le corps bas, la tension dans les muscles avant l'explosion. Dans la capoeira, on retrouve cette attitude dans la jinga d'Angola. On reste bas, on rampe presque au sol. On feinte la fatigue ou l'inattention, puis on explose sur une bensao. Le coq, au galo, c'est la fierté et le défi. Le combat de coq était présent dans les vies coloniales. Le geste, les sauts verticaux, les battements d'ailes pour déséquilibrer l'utilisation des ergots. Dans la capoeira, les sauts de la régionale et certains mouvements de bras évoquent cette parade combative. On cherche à impressionner l'autre par sa stature et par sa stature. Le serpent à cobra, la fluidité. Le serpent n'a pas de membres, il est toujours en pur mouvement. Le geste, c'est l'esquive par l'ondulation. On ne bloque pas la force, on glisse autour d'elle. Dans la capoeira, c'est l'esprit du relais et des esquives fluides. C'est aussi l'idée du poison, un petit coup bien placé comme une pantera avec les doigts de pied qui achèvent l'adversaire. Pour les anciens maîtres, imiter l'animal avait deux fonctions. Le camouflage. Si un maître voyait un esclave faire des mouvements de singe ou de zèbre, il pensait à une danse primitive ou à un jeu idiot, mais jamais à un entraînement militaire, à un entraînement de combat. L'efficacité. L'animal n'a pas d'ego. Il ne cherche pas à être beau, il cherche à survivre. En devenant l'animal, le capoeiriste se connecte à un instinct pur. Le capoeiriste est comme le chat, il tombe toujours sur ses pattes, et même quand il semble dormir, il a une oreille qui écoute le monde. La capoeira Angola, telle que portée par Pachia, est cette mémoire vivante, un art où on rampe en sol, non pas par soumission, mais pour mieux observer le monde et se préparer à bondir. Maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, ha, ha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira quando eu morrer. Bahia, nossa Bahia. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Não pode dar seu valor. Capoeira veio da África, africano quem o trouxe. Todos podem aprender, general também doutor. para aprender. Vem aqui em Salvador, procure o mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre, e viva meu mestre Amará, e quem me ensinou, e quem me ensinou, e capoeira. Eu estou com 79. Olha, minha vida é uma vida muito atrapalhada para eu contar. Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem, que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando, poderá dizer alguma coisa. Todos eles que quiser dizer alguma coisa sobre a minha biografia, pode dizer qualquer coisa. Eu aceito. Tô de qualquer. Agora, tem uma coisa, não fui bobo na roda da capoeira. Eu não fui bobo. Ei, esta é minha opinião. Eu tanto jogo para cima. Eu também jogo para o chão. Eu vou cantar meu barrabento. Ei, buraco, vem sem cobra dentro. A mandinga não foi bobo não, viu? Agora, pra eu dizer, pra eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa e parece que eu estou no céu. E cidade de Assunção, e cidade de Assunção, capital de Itamaraty. É engano das nações, da sepultura do Brasil. Pastinha já foi à África a mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo enjoado de viver aqui na terra. Oh mamãe, eu vou pra lua, falei com minha mulher. Ela então me respondeu, nós vamos se Deus quiser. Vamos fazer um ranchinho todo cheio de sapé. Amanhã às 7 horas nós vamos tomar café. E que eu nunca acreditei, não posso me conformar. Que a lua vem à terra, que a terra vá ao ar. Tudo isto é conversa, vão comer sem trabalhar. O senhor amigo meu, veja bem o meu cantar. Quem é dono não se uma, quem não é quer se uma. Ê, galo cantor, ê, galo cantor, camarada. Ê, cocoroco, ê, cocoroco, camarada. Ê, menino é bom, ê, menino é bom, camarada. Ê, sabe jogar, ê, sabe jogar, camarada. Ê, capoeira. Não era propriamente por ele, era também provocado. Porque se estava numa vadiação, num grupo, com um birimbau, não é? Na mão, eles passavam, entendiam de querer tomar para quebrar, aí inflamava, não é? O íntimo do capoeirista não queria perder seu instrumento, não é? Então, nós tínhamos que brigar. um instrumento, por exemplo, como o berimbau, não é somente instrumento. Agora vou aproveitar e dizer alguma coisa. Não é somente instrumento. Muita gente tem que é o instrumento berimbau, berimbau, berimbau. Berimbau é música, é instrumento. Presta atenção no que eu vou dizer. O que eu faço brincando, você não faz nem zangado. Não seja vaidoso e nem despeitado. Na roda da capoeira, faixinha já está classificado. Birimbau é música, é instrumento musical. Também é instrumento ofensivo, que ele na ocasião de alegria é um instrumento, nós usamos como instrumento. E na hora da dor, ele deixa de ser instrumento para ser uma foice de mão. Amor é de arame, colega velha está um berimbau. Berimbau é um instrumento. Quer tocar numa corda só, vai tocar som vento grande, colega velho toca angola em som maior. Agora acabei de ver, colega velho, berimbau é o maior, camarada, viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre. Capoeira, a capoeira, camara, ele é mandingueiro, é mandingueiro, camara, ele é cabeceiro, é cabeceiro, camara, ele sabe jogar, é a capoeira. Ai, ai, ai, Maria, como vai me ser? Joga bonito que eu quero ver. Ai, ai, ai, vim aqui pra ver você. Ai, ai, ai, Dona Maria, como vai me ser? Eu quero ver, joga bonito que eu quero aprender. Eu vou contar. No meu tempo eu usava também uma focezinha do tamanho de uma chave. A foice vinha com um corte ABC e um anel para encaixar no cabo. Eu vou ler meu ABC. Mas eu, como era muito bondoso, era muito amoroso, né? Para aqueles que quisessem me ofender, eu então mandava abrir outro corte nas costas. Se eu pudesse, mandava abrir outro mais, não é? Mas não podia, mandava abrir outro corte. Ficava dois cortes. E na hora desmontava o berimbau, encaixava a força. De l'autre côté, la capoeira régionale, développée au XXe siècle par maître Bimba. Plus rapide, plus structurée, elle permet à la capoeira d'être reconnue, enseignée et même légalisée au Brésil. Deux styles, deux énergies, mais une même origine. Si maître Pachilla est le philosophe et le gardien des racines, maître Bimba, Manuel dos Reis Machado, est le réformateur, le stratège, et celui qui a sorti la capoeira de l'ombre, de la criminalité, pour en faire un sport national, le sport du Brésil. Maître Bimba, le créateur de la Luta Regional Baiana. Dans les années 1920, Bimba estimait que la capoeira de l'époque Angola perdait de son efficacité martiale et devenait trop folklorique. Il a voulu lui redonner sa force de frappe, le mélange. Il a injecté dans la capoeira des éléments de batuque, une lutte africaine brutale dont son père était champion. Il y a incorporé des techniques de lutte européennes. Côté législation, en 1928, il fait une démonstration devant le gouverneur de Bahia. Impressionné, celui-ci autorise l'ouverture de la première académie officielle. Bimba a blanchi l'image de la capoeira en imposant une discipline de fer. La méthodologie, le cours. Bimba a été le premier à systématiser l'enseignement. Avant lui, on apprenait en regardant. Avec lui, on apprend par des étapes claires. L'examen d'entrée. Bimba testait l'équilibre et le courage des nouveaux avant de les accepter. Les 8 séquences de Bimba. Des séries de mouvements d'attaque, de défense, de contre-attaque que l'on répète à deux. Les ceinturas despresadas. Des techniques de projection et de saut pour apprendre à retomber sur ses pieds, quoi qu'il arrive. Le rythme et l'instrument. La régionale est plus épurée que l'Angola. Un seul berimbo et deux panderos. C'est la bateria classique de Bimba. São Bento Grande de Bimba. Un rythme rapide, sec et guerrier. Il n'y a pas de place pour les fioritures. Chaque mouvement doit avoir son intention. Une intention de toucher ou de déséquilibrer. Les règles de discipline. Bimba voulait que ses élèves soient irréprochables pour casser le cliché du capoeiriste voyou. Ses règles étaient strictes. Ne pas fumer, ne pas boire, porter un uniforme blanc immaculé pour montrer qu'on était assez bon pour ne pas se salir au sol, avoir de bonnes notes à l'école et un travail. We'll be right back. Capoeira de Angola, on reste caché et proche du sol. La capoeira régionale s'élève. Les coups directs, le martello, coup de pied fouetté, et la benção deviennent des armes de percussion puissantes. La rapidité, on cherche à saturer la défense de l'adversaire par la vitesse. L'aspect debout, on reste moins longtemps au sol. Si on tombe, on se relève immédiatement par un relais explosif. Le baptême, batizadao, c'est Maître Bimba qui a instauré la cérémonie du batizadao et le système de cordas, ceinture, de couleurs différentes signifiant un grade. Celles-ci n'ont pas de reconnaissance d'une école à l'autre. Une corde bleue ici peut être une verte ailleurs, comme une rouge peut être l'équivalent d'une noire dans une autre école. Avant lui, avant Bimba, il n'y avait pas de grade. Ce système a permis de structurer la progression du capoeiriste, un peu comme dans les arts martiaux japonais, ce qui a grandement facilité l'exploration de la capoeira et l'exportation de la capoeira dans le monde entier. L'anecdote du maître. Bimba disait souvent « La capoeira est pour l'homme, l'enfant et la femme. Les seuls qui ne doivent pas la pratiquer sont ceux qui ne la veulent pas. » Aujourd'hui, la capoeira est pratiquée dans le monde entier. Elle est devenue un symbole de liberté, de créativité et de mémoire vivante. Car chaque mouvement raconte une histoire, chaque rythme porte une mémoire. Une mémoire née dans la douleur, mais transformée en force. Et c'est peut-être là toute la puissance de la capoeira. Avoir su transformer l'oppression en expression, et la souffrance en art. Quand on a été dans la roda, on sait que la musique n'est pas là que pour faire joli. On apprend à l'écouter avec le dos autant qu'avec les oreilles. Cette sensation d'être au pied du birimbau, d'entendre le moment d'entrer dans le cercle et de capter si le rythme appelle à la malice ou à l'énergie pure, c'est quelque chose qui reste. Mais je ne clôturerai pas ce voyage sans vous parler du makulélé, qui est le cousin indispensable de la capoeira. Si la capoeira est l'art de l'esquive et du dialogue, le makulélé est l'explosion de la guéririté et du rythme pur. Généralement, on sort les bâtons à la fin d'une rencontre de capoeira pour célébrer l'énergie restante. C'est une transe particulière où des bâtons de bois s'entrechoquent. L'origine est la légende. Le makulélé n'est pas une lutte à l'origine, mais il est une danse dramatique qui simule un combat. Il existe deux légendes principales sur sa création. Le guerrier solitaire, un vieux guerrier nommé makulélé, trop faible pour chasser et rester seul au village. Attaqué par une tribu ennemie, il s'est défendu avec deux simples bâtons de bois et a repoussé l'invasion à lui seul. Il y a aussi la danse des récoltes, une origine liée à la coupe de la canne à sucre, où les travailleurs utilisaient leurs outils, les machettes, pour rythmer leurs champs et évacuer la fatigue. Les instruments de combat, les grimaces, ce sont les deux bâtons traditionnellement en bois de biriba ou de canne à sucre. Ils représentent les épées ou les machettes. L'atabak, c'est le roi absolu ici. Contrairement à la capoeira où le berimbo dirige, le makulélé est dicté par les tambours. Le rythme est binaire, terreux, il est très rapide. La gogo, il rajoute une couche métallique qui aide à garder la cadence. La structure de la roda de makulélé, c'est un rituel très codifié. Le pas de base, un mouvement en quatre temps. Temps 1, 2, 3, on danse en balançant les bâtons. Temps 4, on frappe le bâton droit de son partenaire en haut, ou les deux bâtons ensemble. Le maître, au centre, souvent un meneur de jeu, chante et fait des démonstrations de force ou d'agilité avec des machettes enflammées pour impressionner la galerie. Les chants, ils sont souvent en dialecte africain, Yoruba ou Bantu, ou en portugais archaïque, invoquant la protection des ancêtres ou racontant l'héroïsme du guerrier. Le makulélé vers la capoeira, bien qu'ils partagent la même énergie, Aché, ils sont très différents. Pas d'esquive. Au makulélé, on fait face, c'est une question de synchronisation. Si vous manquez le temps 4, vous prenez le bâton de l'autre sur les doigts. La percussion. C'est beaucoup plus tribal et percutant. On ne cherche pas la malicia de l'Angola, mais la force collective. Le contact, le bruit des bâtons qui s'entrechoquent, tac, tac, tac, tac, fait partie intégrante de la musique. Pourquoi le pratique-t-on en club ? Pour des groupes, le makulélé est essentiel car il travaille le rythme. Il force le capoeiriste à être sur le temps, la coordination. Manipuler deux objets tout en dansant est un excellent exercice psychomoteur. La cohésion, c'est un moment où tout le groupe chante et frappe ensemble. C'est la fête après l'effort de la roda. C'est un moment libérateur. On quitte la stratégie mentale de la capoeira pour se laisser porter par le son de la tabac. Pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Makulélé é o rei da valentia. Ô boa noite pra quem é de boa noite. On ne peut pas terminer cette émission, Didi & Co, sans parler de l'influence de la capoeira, la jinga, le trobok. Bien que le toprock, la danse debout du b-boy, ait ses propres racines dans les danses sociales de New York, l'attitude de défi et le balancement rappellent fortement la jinga de la capoeira. C'est la base fondamentale, un mouvement de transition qui permet de rester en mouvement avant de passer à l'attaque ou à l'acrobatie. La Ao est le cartwheels. Dans la capoeira, la Ao est une roue utilisée pour se déplacer ou esquiver. Dans le breakdance, on l'a intégrée et complexifiée. Au batido, c'est sans doute le transfert le plus direct. Dans la capoeira, c'est une roue arrêtée à mi-chemin avec un coup de pied vers le haut pour bloquer l'adversaire. En breakdance, on l'appelle souvent les power moves, acrobatie circulaire. La capoeira privilégie les mouvements rotatifs. Plusieurs figures au sol du breaking sont très proches des techniques afro-brésiliennes. Le mea lua de compasso, ce coup de pied circulaire où l'on pose l'une ou deux mains au sol tout en laissant la jambe, se retrouve presque à l'identique dans certaines transitions de breaking. Minho de vinto, le windmill. Bien que le moulin du break est une technique de rotation sur les épaules très spécifique, l'idée de la rotation circulaire des jambes au ras du sol partage le même ADM visuel que certains mouvements de transition au sol de la capoeira. Le flare. Le flare, connu en gymnastique sous le nom de Thomas, est un mouvement où le danseur tourne sur ses mains sans que ses jambes ne touchent le sol. Dans la capoeira, on retrouve des mouvements de balancier similaires comme le vingativa ou certaines sorties de quedaderins qui utilisent le même élan centrifuge. Le fraisé ou le quedaderins littéralement chute sur les reins, est une position d'équilibre sur le coude et le côté du bassin. C'est l'ancêtre direct des nombreux frets, poses statiques en breakdance. C'est une figure de danse et de base surtout pour tous les capoeiristes qui souhaitent passer d'une position debout à une position au sol, exactement comme le font les b-boys. Pourquoi cette ressemblance? Il ne s'agit pas toujours d'une copie directe, mais d'une convergence culturelle. Le contexte, les deux disciplines sont nées de communautés marginalisées utilisant l'expression corporelle comme forme de liberté. L'échange, dans les années 70 à 80 à New York, les premiers b-boys côtoyaient des pratiquants de capoeira dans les parcs. L'aspect visuel et spectaculaire de la capoeira a naturellement été intégré par les danseurs qui cherchaient à impressionner lors de battles. C'est un bel exemple de remix culturel où un art martial ancestral devient l'un des piliers d'une culture urbaine moderne. Nous arrivons au terme de ce voyage, au cœur de l'Amérique du Sud. Il me reste encore un peu de kérosène, alors je vous invite à survoler le Corcovado et la plage de Copacabana, ou à pénétrer dans les sambodromes de Rio de Janeiro. Fecha a roda. praia da Maralina tem dois camarão na areia. Camarão tava sentado falando da vida alheia. Na praia da Maralina tem dois camarão na areia. Camarão tava sentado falando da vida alheia. Na praia da Maralina tem dois camarão sentado falando da vida alheia. E camarão malvado. Na praia da Maralina tem dois camarão sentado falando da vida alheia. E camarão malvado. Na praia da Maralina tem dois camarão na areia. Camarão tava sentado falando da vida alheia. Na praia da Maralina tem dois camarão. Tem dois camarão sentado falando da vida alheia. Ei, camarão malvado. Na praia da Maralina tem dois camarão sentado falando da vida alheia. Ei, camarão malvado. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Maria me faz lembrar do tempo de cativeiro. Vovó não quer casca de coco. Faz lembrar do tempo de cativeiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Maria me faz lembrar do tempo de cativeiro. Seu guarda civil não quer a roupa do guarador. Seu guarda civil não quer a roupa do guarador. Meu Deus, onde eu vou parar? Para minha roupa. Meu Deus, onde eu vou parar? Seu guarda civil não quer a roupa do parador. Seu guarda civil não quer a roupa do parador. Meu Deus, onde eu vou parar? Para minha roupa. Meu Deus, onde eu vou parar? Para minha roupa. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba. Passou da meia-noite, mas ninguém quer levantar. Tem um samba no açoite, só querendo continuar. A conversa vai longe, sem saber onde vai dar. Se esconde só pra gente não notar. Já vi riso virar canto, já vi dor virar refrão, mas foi sempre no encanto desse velho violão. Quem conhece essa cena sabe bem como é, porque a vida é pequena, mas o samba tem fé. Não se apaga enquanto o samba tocar. Tem história na garrafa e vontade de ficar. Luz de bar não se apaga, pode o dia clarear. Que quem vive essa estrada sempre volta pra samba. Tem saudade no balcão, tem memória na mesa, tem um velho coração que não aceita a tristeza. Já vi noite virar dia sem ninguém perceber, e a melodia vazia queria se encher só de viver. Cada verso que nasce tem um pouco de nós. E o que o tempo não faz, o samba faz por vós. Se a tristeza aparece, a gente canta mais alto. Porque o samba conhece todo tipo de salto. Luz de bar não se apaga enquanto o samba tocar. Tem história na garrafa e vontade de ficar. Luz de bar não se apaga, pode o dia clarear. Que quem vive essa estrada sempre volta pra samba. Flauta improvisa suave, cavaquinho responde. Violão sete cordas com baixaria profunda. Se um dia essa luz se apagar sem avisar, pode crer que o samba dá um jeito de voltar. Porque quem vive de roda não esquece o lugar onde a vida incomoda, mas aprende a cantar. Luz de bar não se apaga, e eu posso provar que enquanto houver samba, a gente vai continuar. Conheci um sujeito que dizia sem errar que malandro de respeito nunca anda sem sambar. De chapéu bem inclinado e um sorriso no olhar, ele dizia: cuidado que a vida gosta de testar. Já perdeu muito dinheiro, já ganhou sem esperar, mas no som do pandeiro sempre soube se encontrar. Quem conhece esse caminho sabe bem como é, porque samba e carinho andam sempre de pé. Malandro não anda só, anda junto com o samba. Se a vida faz um nó, é no batuque que desanda. Pode o tempo virar, que quem vive no samba sempre aprende a voltar. Já fugiu de encrenca feia, já sorriu sem razão, já fez verso na areia pra esquecer de uma paixão. Tem segredo na palavra, tem silêncio no refrão, mas quem vive na batucada nunca perde a direção. Cada passo que ele dava era samba no chão, e a tristeza que chegava virava logo canção. Se o destino complica, ele aprende a rir, porque a vida ensina quem resolve seguir. Malandro não anda só, anda junto com o samba. Se a vida faz um nó, é no batuque que desanda. Malandro não anda só, pode o tempo virar, que quem vive no samba sempre aprende a voltar. Clarinete improvisa com leve ironia, cavaquinho responde, violão sete cordas com baixaria elegante. Se um dia perguntarem onde ele foi parar, diga que foi pro samba e não quis mais voltar. Porque quem nasce na roda não se perde na vida. Tem no passo a resposta e no samba a saída. Malandro não anda só. E eu posso afirmar que quem anda com o samba nunca deixa de sambar. Salve simpatia! Salve simpatia! Um, dois, três, já! Yeah. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. É samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. É samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Mas que nada, foi aí que tudo começou. Que mais que nada é o meu amor, ma. Mas que nada, ma. Mas que nada, ma. Mas que nada, ma. Oh! que não lhe quer mais. Arranje outra, meu rapaz. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem some, vivo o amor e vivo o homem. Que não lhe quer mais, arranje outra, meu rapaz. Não, não, não, não. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas nas janelas, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem soube, vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Vivo o amor e vivo o homem. Rosa pra se ver, pra se admirar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra viver, rosa pra se amar, rosa pra colher. Rosa pra viver, rosa pra brotar, rosa pra viver, rosa pra colher.

Voltar. Escolhi o cabelo, bater cabeça no meu terreiro. É de aê, é belo colo onde vem no samba. É belo colo onde vem no samba. A criada das paixões, guerreiras. O povo manto que for as cidadeiras. Orgulho de ser. Orgulho de ser mas eu sou Luanda e Benguela. A dor que se revela monte vida do Cerrado. Existência quilombola dos pretos novos de agora. Verdadeira suburbano branco pode ser toda terra de bandeira. Revela do santo friso que poder. Mistério, mistério das calungas ancestrais. E o tempo revelou no trás. Quem fez o leão em África pequena. Lembra do que bate na voz de fogo. Mas na comba dança joga, chega na capoeira. Lembra do sapo, salva teu sangue. De verde e rosa, renasce a nação de sangue. Bate em folha, atravessa e vem beber, cai amor. E a meu caboto e mãe preta em cima. Mas em folha pra ver se vem beber, caiu o voo. Sobre a cruz, o seu pai que se encontrou. Hoje a dor do arrepio, a lei que me fez batiu. Liberto na cesárea, osso, dá um balanço. Falando o arrepio, marginal. Da tira, jogo de modo, onde a escola de vida é sumo. Foi gente que eminente. O avô que vai se chegar, lá dentro e formar um sobrevivente. Eu sou pra você criticado, sempre censurado pela burguesia. Tomou a cidade de ação e hoje no asfalto a porta se cria. Querido está arriscado, descolorir o cabelo, bater cabeça no meu querido. É de arrepio, força de matrama. É belo trono onde vem o samba. É de arerê, é de arerê, força de matamba. É belo trono onde vem o samba. Sou a voz do gueto, dona da multidão. Patriarca das paixões, bandeira. O povo banto que floresce nas vielas. Orgulho de ser. Sou a voz do gueto, dona das multidões. Patriarca das paixões, bandeira. O povo banto que floresce nas vielas. Sou Luana e Benguela. A dor que se revela, morte e vida do oceano. Resistência quilombola, os pretos novos de Angola. Verdadeira suburbano, branco forte em você. Toda terra de mangueira. Rebeldo santo, apreço de poder. Mistério, mistério das calungas ancestrais. Que o tempo revelou no trás. No rio de África pequena. Mas macumba dança, jongo, chega na capoeira. Ei, maluco, você me chama, meu sangue. De verde e rosa, é na geração de zambi. Bate em folha pra mim, se tem direito, aí eu vou. E a meu caboto é mais preta, é esse gol. Bate em folha pra mim, se tem direito, aí eu vou. É tudo seu, tá em que se incorporou. Rojado no arrepio, a lei que me fez batiu. Liberto da cesárea social. Na gira, jogo de modo, onde a escola de vida é sobrou. foi residente. Roubou a cidade de assalto e o de Natal. Ô, do padre aí! Descolori o cabelo, bateu cabeça no meu terreiro. Esse areia, eu demo trono, homem rei do Sana. Eu demo trono, homem rei do Sana. Orgulho de ser favela, boa voz do gueto, glória das multidões, patriarca das paixões. Bandeira, o povo bato que floresce nas vielas. Orgulho de ser. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz vai, não vou, porque quando foi já não quis. O homem que diz dou, não dá, porque ninguém dá quando quer. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã do novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não cai, que muito vai se arrepender. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha, tá. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai. Não vou, vai, vai, vai, vai. Não vou, vai, vai, vai, vai. Não vou, vai, vai, vai. Não vou! chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra você parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais meu amor assim, meu amor assim, o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove chuva, chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra você parar de molhar meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva, chuva, não molhe mais o meu amor assim, o meu amor, o meu amor, o meu. Por favor, chuva ruim, desculpe, chuva, chuva, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chove, chove, chove sem parar, mas por favor, para o meu amor passar. Chove, chove, chove, chove, chove, chove sem parar, mas por favor, para o meu amor passar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar, mas por favor, pare quando meu amor passar. Mas por favor, pare quando meu amor passar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva. dia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Saudade de ter algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Bem, era assim que se acompanhava um samba na época que eu comecei a aprender violão, com essas baixarias, com essa divisão um pouco mais quadrada, mais em cima do tempo da música. Aí surgiu João Gilberto. Mudou a cor de tudo, mudou a maneira de acompanhar, mudou a maneira de ver o samba e mudou a maneira de dividir cantando. Então, essa mesma música, a lá João Gilberto, depois João Gilberto, passou a se acompanhar e se cantar dessa forma. Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Pense, ter saudade é ter algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um pobre infeliz que teve que desabafar dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração. Acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Sou eu, sou eu, sou eu, Maculelê, sou eu. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, do mundo no meio da chuva. Ah, gira, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Pensa que qualquer mulher. Cigarrinho aceso em sua mão, bate modetinho, violão. Diz que o amor é coisa que não quer, mas lá vai ela e pensa que é mulher. Ore papai o pirunde punde bamba yanda a pa pa pa pa de ya bamba a pa pa ron ba yon pa pure punte ron ga pinde a pa pa pa pa de ya bamba. Formosa mulher, formosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração, formosa, não faz assim, carinho não é ruim, mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. A gente nasce, a gente cresce, a gente crema. Mulher que nega, nega o que não quer parar negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Papá, pô, praia, eu ver um de, bunde, bunde, anda. A papá, papá, pudei, a banta, formosa mulher. Do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ai, porque tudo é tão triste? Que existe a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Parece que ela é de Jolie, ela é filha de Ipanema, então. Ela passa toujours, toda a fim da primidi para lá para o petit bar de Ipanema, no prédio, nos aperitifs. Aperitifs. A primidi. E ela bougeait de façon incroyable. Chaque fois que la fillette passait vers la mer, ela avait quoi, 17 ans à cette époque-là, non? Les versets restaient comme ça dans les mains, et nos yeux la suivaient. Tout son parcours vers la mer, non?

patatá, patapati, patapati, patatá. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada, despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Olhei devagar os automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem toda de branco, meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, todo mundo no meio da chuva, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, que maravilha, a girar, pata pata pata pata pata pata. Nous arrivons au terme de ce voyage sud-américain. J'espère vous avoir fait passer un agréable voyage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Chris Milan, un auteur, interprète, compositeur qui viendra directement dans le studio vous présenter ses derniers titres. À bientôt.